Je suis le sang logis sans papier, le sang nom, le sang droit, le sang nationalité. Je suis le sans terre, sans pognon, sans pays. Je suis le sans frère, sans parents, amis sur qui compter. Je suis sans amour, sans haine. Incandescent, je suis peut-être même aussi le sang qui coule dans vos veines. Je suis le punk qui a pas oublié d'être moche, qui taxe 2 euros quand tu promènes tes mioches. Je suis le rastaquaire qui déjeune à la bière, qui depuis 10 ans n'a pas vu son coiffeur pour quoi faire. Je suis l'alcoolo envinacée, la tronche violacée, mariée, amie sandouillette du trou du cul du monde qui vont nous chier. Un immonde avorton car je suis aussi la mascotte du Téléthon. Ni ange, ni démon, ni Bouddha. Je suis juste différent de toi. Ni ange, ni démon, ni Bouddha. Je suis juste différent de toi. Je suis le manouche, le voleur de poules, qui sort de sa roulotte et qui te fout les boules. Quand Sarko dit que tous les chemins mènent au Rhum, c'est la psychose, les guépis en guise de sérum. Je suis la prostipute qui traîne trottoir le soir, venue de Roumanie ou bien d'Afrique noire. Refiler le sida à tous les honnêtes gens quand mon Mac dîne avec l'école plein. Je suis le popper qui a la coupe à du guéclin, qui dit que le rock n'est pas mort, pas même en déclin. J'ai payé cher ma coupe et mon look d'occasse pour faire un tube aux Carpates, une tournée dans le Caucase. Je suis le topper qui cartonne le mix, qui cache ton osix, qui préfère la chaleur des usines désaffectées à la mercantile froideur des discothèques branchées. Ni ange, ni démon, ni Bouddha. Je suis juste différent de toi. Ni ange, ni démon, ni Bouddha. Je suis juste différent de toi. Sans abri, j'ai fait un carton au dernier salon de l'habitat, portant la misère sociale sur mes épaules, figurant sans qu'il n'y a pas de premier rôle. Quand la richesse des nantis anéantit les prolos et les petits, je suis le mutant, l'homo capitalus, celui qui croit en la croissance mordicus. J'achète de l'argent, du pognon, je revends, je suis celui qui pousse le monde à l'agonie. La faucheuse qui a coupé l'herbe sous le pied de cette toute jeune pousse qui venait tout juste d'éclore. Michael Markendo, le fort, stoppé en crescendo par le grand maestro de la symphonie de la mort.